La chambre de Georges. Yes. Hello. Bonjour. Il est 8 heures. What? Bonjour. Il est 8 heures. What are you saying? Can you speak? Bonjour. Il est 8 heures. Oui, la réception. Hello. It's okay. Sorry. Oh. Monsieur, il y a un appel pour vous. Un appel téléphonique. Bonjour, Monsieur Wickham. Hélène, is that you? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? What? How are you? Fine, thanks. Where are you? Je suis ici, à la réception. You're here? Bien sûr. It is time for breakfast. Le petit déjeuner, n'est-ce pas? Hélène, it's only 6 o'clock. 6 heures? Non, il est 8 heures. 8 o'clock. No, 6. Ah, monsieur, vous êtes en France, et maintenant, en France, il est 8 heures. Oh, no. I put my watch an hour back instead of forward. Pardon? Nothing. Avez-vous faim? Faim? Are you hungry? Yes. Look, I'll have a quick shower and see you in about 20 minutes. Dans 20 minutes. Très bien. Right. Oh, wait, where will you be? Dans la salle à manger. La salle... À manger. Prenez l'ascenseur et allez au rez-de-chaussée. Hélène? Oh, pardon. Take the lift to the rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est en anglais? What is it in English? I don't know. Oh, ce n'est pas important. Prenez l'ascenseur, take the lift, and look for the sign, salle à manger. OK? OK.